En 2015, y a toujours pas de bagnole volante, y a des chars électriques et des ordis partout. Sur ces ordis, on s'extasie devant Watch Dogs, alors que moi, pendant ce temps-là, je joue à Doom. Côté musique, on doit se taper du dubstep ou de la beauf music, bien de chez nous. Chez Nintendo, on attend le prochain Zelda, alors que moi, pendant ce temps-là, je joue à Doom. Je joue à Doom tout seul ou online, et je joue à Doom et puis à Minecraft. M'en fous qu'il soit un peu trop rétro, il évolue toujours plus haut. Quand j'étais petit, j'avais un ordi pourri sous Windows 95 et puis c'est tout. Dans mon CD, il passait les toubiteries, alors que moi, pendant ce temps-là, je jouais à Doom. 10 ans après, il a fallu que je trouve un taf, et déjà à l'époque, c'était pas cool du tout. 10 ans encore, j'ai même mes jeux sur Steam, mais moi, pendant ce temps-là, je joue à Doom. Je joue à Doom tout seul ou online, et je joue à Doom et puis à Minecraft. M'en fous qu'il soit un peu trop rétro, il évolue toujours plus haut. Je joue à Doom. Je joue à Doom. Y'avait Doom 3 qui était sorti du tas, mais celui-là m'intéressait pas du tout. Je préfère les sprites quand ils sont plats comme des nouilles, c'est pour ça entre autres que je joue à Doom. Dans le futur, y'aura des ordi quantiques et on aura des montres qui feront tout. L'Oculus Rift, on en possédera tous un et on se baladera dans le virtuel comme des fous. Alors que moi, pendant ce temps-là, je jouerai à Doom. Je joue à Doom tout seul ou online, et je joue à Doom et puis à Minecraft. M'en fous qu'il soit un peu trop rétro, il évolue toujours plus haut. Je joue à Doom. Je joue à Doom tout seul ou online, et je joue à Doom et puis à Minecraft. M'en fous qu'il soit un peu trop rétro.